rap. À partir de maintenant, radio validée par Skyrock. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Gradure. On est là. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Gradure. Okay. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti, coup d'envoi de cette soirée avec Gradure. Comment va? Ouais, ça va, et toi Fred? En pleine calme. Forme. Bah, ouais, écoute, ça va. Tout va bien, j'ai l'impression, le numéro 1 des ventes singles est là. Ouais, ça va. Hein. Ça va, l'album, on l'espère, sera aussi numéro 1 dès la semaine prochaine, L'Homme au Bob. Ouais, espérons. Sorti, il a déjà été, j'ai vu, hein, dans les précommandes et tout, ça se passe bien. Hein. Ouais, ça va, il est dans le top 10. Et bah, continuez à précommander l'album L'Homme au Bob qu'on découvre. L'Homme au Bob, 23 février. Il y aura des extraits, évidemment, ce soir, peut-être du live ce soir. Ouais, il y aura Shaggy Squad aussi qui va live. Le Shaggy Squad qui est là, qui est installé. Et juste avant de débuter ce Planet Rap, on se rappelle ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Le mec avec nous n'arrête jamais. Wow. Jamais. T'en as fait un morceau, mais jamais. C'est la musique, on aime trop ça, c'est un travail. Hier soir, j'ai vu des vidéos avec des amis, vous étiez en studio. Ouais, on était en studio. Ouais, avec Drossan et Clifford. Et qui ont lâché quelques 16 quelques impros. Ou des 8,5. Il est chaud. Donc hier soir, après le Planet Rap Studio direct. Voilà. C'est né où ça, chez sa vie, sur la porte. C'est né où ça, chez sa vie, sur la porte. J'suis tout là-bas. On sait où ça, chez sa vie, sur la peuf. Si je donne la force à tous ces négros, dis-moi si Dieu me le rendra. On sait où ça, chez sa vie, sur la peuf. C'est né où ça, chez sa vie, sur la peuf. J'suis tout là-bas. On sait où ça, chez sa vie, sur la peuf. La peuf, à l'instant. On sait où ça, chez. Et ça, par contre, c'est un titre inédit. C'est-à-dire que ce ne sera pas sur l'Homme au Bob. Mais déjà, toi, tu prépares déjà le futur. Voilà. Pour la mixtape. C'était cadeau aussi pour toi aussi. Eh bah, ben, super cadeau celui-ci, la puff qu'on écoutait à l'instant. Ce soir. Il y a du monde derrière ou pas? Avec Gradure sur Skyrock. Et oui, il y a du monde derrière. Il y a du monde ou pas? Ouais. Ça marche tout de suite mieux quand tu c'est le fais, Gradure. C'est le squad. Allô, Samantha? Oui, c'est moi. Il paraît que tu connais toute Gradure. Pas de rap français, mais c'est vrai que quand j'avais entendu Shaggy, c'est jamais, j'avais vraiment validé. Ça fait donc, plaisir. Donc, bah franchement, ouais, Gradure, tu gères, je te le dis, tu gères. Planet Rap. Maman veut de petits enfants, mes soldats veulent de la weed, et cette salope veut son sac longchamp. Je répète, mon papa veut du beef, maman veut de petits enfants, mes soldats veulent de la weed, et cette salope veut son sac longchamp. Je vais tous les terrasser. C'est Planet Rap sur Skyrock. Pourtant tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de number. Télé-ma. Oublie pas que tu me dois des sous, allez, télé-ma. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. 5-9, un max de prix, Planet Rap. Mon joint est chargé, fuck ton chargeur. Ouais, fuck ton chargeur. 3-5, c'est ta boule dans le rover, dans les cités Carter. Carbone, gilet, grenade, mitrailleur. Ouais, fuck les donneurs. J'fais peur aux games comme Bloody Mary. Tout le monde. Comme Bloody Mary. Mon joint est chargé. Fuck ton chargeur. 3-5-7, ta boule dans le rover, dans les cités Carter. Carbone, gilet, grenade, mitrailleur. Ouais, fuck les donneurs. L'émission rap de référence, Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Planet Rap avec Gradure entre 20 et 21. Frère. Le Shaggy Squad est là aussi, toute l'équipe est là. Ouais. Oh là, c'est tout, ouais. Avec moi ça marche pas, tu veux pas essayer Gradure parce que Shaggy Squad, on est là ou pas? Ouais, j'y arrive pas, j'ai un problème. Bon, tu t'es réveillé ce matin, est-ce que tu as vu que tu étais numéro 1 avec Prier pour moi? Ouais, j'ai vu ça, j'ai est-ce vu ça. Que ça tu étais plaisir. Content? Ouais, ça fait plaisir. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui c'était une journée, bah, tu l'as signalé aussi sur ton Insta, forte pour le rap français. Ouais. Booba a sorti un nouveau morceau. Ouais, Booba il a sorti un gros morceau même. On est en train de l'écouter là tout à l'heure. Dossé aussi, il a sorti un son là avec Harris. Il est lourd aussi. Et ça se passe bien pour le rap français, donc tant mieux. Ouais, voilà. Tiens, d'ailleurs, on peut dire juste un mot. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé ce featuring avec Booba. Ouais. Toi, on a envoyé un message en disant les gens vont parler, il n'y en a pas sur mon album. Est-ce que c'est une chose qui se fera par l'avenir ou... Ouais, sûrement, certainement. De toute façon, 2015, c'est loin, on est qu'en début 2015. Lui, il prépare son album. Moi, je suis en train de sortir le mien. Tout se passe bien, il m'a déjà donné de la force. Je parle avec lui. Tout est carré. tout est carré, voilà. Tout est au calme. Voilà. Comme il le dit si bien. Et la fin, en tout cas, il est lourd, le premier extrait de l'album. T'as aimé l'extrait là, qui a été balancé aujourd'hui? Ouais, j'ai kiffé. Tony Sosa. Là, c'est Gradure avec nous tous les soirs de la semaine, entre 20 et 21. Ce soir, on va passer des extraits d'album. On débute aussi même à 20h. Je crois qu'il y a le clip qui arrive de Prier pour voilà. moi. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Ouais, à 20h. Donc là, d'ici 3 minutes, il y aura le morceau Prier pour moi. On débute avec quoi? Avec Jamais? Vas-y. Allez, c'est parti. Jamais. Gradure, notre invité, l'Homo Bob, c'est le 23 février. Trop de PD qui parlent sur moi, négro, rien que je m'en bats les couilles. Si tu veux tirer, tire mon gilet sans pas trop les coups. Je veux ramasser les billets, je veux plus ramasser les douilles. Mon Dieu, donne-moi une fille bien marre de doguine et des douilles. La gloire m'a frappé sec depuis toutes ces salopes, elles mouillent. Et quand le buzz il tombe à l'eau, mais dis-moi est-ce qu'il rouille. Un pote c'est comme un frère au bœuf, donc fais gaffe à sa souille. Tu l'as baisé, t'as fini buté à poil par son rouille. Chez Gay, faut respecter la loi, surtout la loi de la rue. Sinon tu vas te faire buter dans un trottoir. Grosse dédicace, Yassine Elbat, Biggie's, Host, l'équipe du quartier turc. Car ma ligne de conduite en léger, Marissa, Taïrou. Pas des cueils en boîte pour des salopes, ça c'est de la frime. Charbonner pour payer une ville à maman en Afrique. Faire des concerts aux Aïr, voir les jaloux nous haïr. Prier Dieu qui m'épargne des faux amis qui veulent me trahir. Je prends mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'année. J'ai dépassé tous mes ennemis, ils me reverront jamais. Jamais, jamais. Je prends mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'année. J'ai dépassé tous mes ennemis, ils me reverront jamais. Jamais, jamais. Jamais à l'instant, attention, attention, attention, attention, je suis obligé de couper ce disque. Est-ce que tu sais pourquoi je coupe ce disque? Non, je sais pas. Tu n'es pas au courant, Gradure? Non. Parce que j'ai une autre surprise, mais qui se passe en Asie pour toi. Ah ouais? Tiens, il suffit que tu dises allô. Allô. Et nous sommes avec Lacrim. C'est Lacrim. Et Lacrim, ça va? Ça va ou quoi? Ouais, je sais que t'es très pressé parce que tu montes sur scène, ouais, là, en fait. Choqué. Mais bon, il y a le frérot qui sort son album. Et on a trouvé une petite pièce totale pour qu'on va reparler un petit peu. Voilà, ça va ou quoi, parce là que, parce qu'on n'a pas. Ah, mon frérot. Ça va ou quoi? La crème, par contre, essaye de plus bouger parce qu'on a un peu de mal à te capter. Là, tu me captes là? Là, parfait, ne bouge plus, là, on t'entend très bien. Ça va la santé ou quoi, frère? Ouais, ça va, frérot, en léger. J'ai appris, là, ce matin, on m'a dit ça, là, ce matin, voilà. Ouais, t'es bien, il fait chaud là-bas. Je suis très chaud, je suis même pas sorti de mon hôtel. Ah ouais, t'as pas bougé? Voilà, on a failli mettre tous ces 3-4 fois dans la rue, frère. Ah ouais, laisse tomber. On a fait un petit clip, tout ça, tout va bien. En tout cas, je suis sorti pour la sortie de ton album, frère, je suis content, ma gueule. Ouais, si merde, prends. Des soins de bon courage, félicitations. Ils vont découvrir le titre très, très, très sale qu'on appelle. Le meilleur des featuring de ton album, ma gueule. Voilà, ils savent pas. Ils sont pas prêts. Ah, chouette Zer, ils t'attendent, hein. On va venir à M, ma gueule. Vas-y, parfait. Parfait, vraiment. Voilà. Il y a deux clés à faire. Voilà. En tout cas, grosse force à toi, ça fait plaisir. Voilà. Merci. Force à toi, frère. Force à toi. En léger. Même tu mérites, frère. En léger, en tout cas. Voilà. Je t'embrasse. Merci, merci pour tout ce que tu as fait. À tous les auditeurs de Sky, frère. À tous les auditeurs de Skyrock, pour aller acheter l'album. Ouais. C'est leur semaine cruciale. Et Lacrim, merci d'avoir été avec nous. Je sais que tu montes sur scène rapidement. Ouais, je t'embrasse, frère. À bientôt. Ciao, Lacrim. Vas-y, frérot. Toujours un plaisir. En léger, je t'appelle, façon. En léger. Mais tiens, passe mes chéguets. Ah là, tu connais. Voilà, grosse force à toi. Bon, on a dû couper le disque, mais c'était pour une bonne raison. Parce que, ouais, il est vraiment là, il va monter sur scène dans les. Ouais. Il fait un showcase là-bas en Thaïlande. Mm. Toi, t'as été en Thaïlande, mais j'ai été. T'as pas fait de showcase encore Non, mais je reviens bientôt. Ça va pas tarder. Ouais. Bon, bah, Lacrim qu'on salue, c'est vrai qu'il y a un gros featuring. Un gros feat. Ça m'a grave. Sur l'album. Ça m'a fait plaisir de l'avoir dans l'album. En plus, au quartier, tout le monde demandait pourquoi tu ramènes pas Lacrim? Pourquoi tu ramènes pas Lacrim? Donc, ça s'est fait. Vous êtes connectés comment tous les deux? Téléphone, j'ai eu son numéro. Lui aussi, il cherchait à me contacter. J'ai parlé avec lui. Et je lui ai dit, lui m'a dit qu'il sortait aussi une mixtape. Moi, il y a mon album. Je lui ai dit vas-y, je lui ai dit t'es chaud, il m'a dit vas-y, c'est parti. Et ça s'est fait, et à mon avis je serai aussi sur sa mixtape, donc c'est lourd. Eh ben on salue Lacrim. C'est lourd, il a fait un gros travail avec son album. que j'ai acheté dès que je suis rentré c'était de Chicago, je pense. De Chicago, il est très très lourd et ça me fait plaisir de l'avoir. C'est vrai que t'as beaucoup voyagé, donc je disais t'étais en Asie aussi. L'Asie, mm-hmm. c'est un continent que tu connaissais pas, tu avais déjà Non, je connaissais pas. Alors, le ressenti? C'est lourd. C'est vrai? Franchement, c'est lourd. Sauf Gecko, il se met bien là-bas. Hein. Il se met bien. Ah, vous l'avez croisé dans cette Gecko Bar? Ouais. Mm-hmm. Dans cette Gecko Bar, on est parti. Ça s'est bien passé. Petit bar lounge, tranquille. Voilà. Au KLM. Il y a des membres, je ne dirais pas les noms du Shaggy Squad, qui ont un grand sourire quand on évoque le Seth Gecko Bar. Je ne sais pas pourquoi. Nina. Ah, j'ai pas dit de nom. Hein, c'est fait l'homme. Sinon, non, Nida, c'est parce que. C'est bien Nida, sinon on a passé des soirées là-bas, on était un peu défoncés. Un peu bien défoncé même. Bah écoute, c'est des choses qui arrivent, c'est des vacances de temps en temps. Voilà. Non, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien de se détendre un petit peu, d'avoir une autre vibe, justement. Voilà. Bon, salut la crime. La crime qu'on retrouvera sur ton album dès le 23 février. Grosse force à lui. Allez, comme on l'a coupé, on le remet. Voici en intégralité maintenant. Jamais Gradure avec nous, c'est reparti. Grosse casse d'aide, à Schweitzer, Nouveau Roubaix, Quartier Turc, Clifa, l'Alma, Massas. Guichard, Kamos, Yassine Elbad, Mamoudou, Baila, Abdoul, Yero, Otman Kouled, Mehdi Kouled. Qui parle sur moi, négro, rien que je m'en bats les couilles. Si tu veux tirer, tire mon gilet sans pas trop les coups. Je veux ramasser les billets, je veux plus ramasser les douilles. Mon Dieu, donne-moi une fille bien marre de doguine et des douilles. La gloire m'a frappé sec depuis toutes ces salopes, elles mouillent. Et quand le buzz y tombe à l'eau, mais dis-moi, est-ce qu'il rouille? Un pote, c'est comme un frère rebeu, donc fais gaffe à sa souille. Tu l'as baisé, t'as fini buté à poil par son rouille. Che Guevara, faut respecter la loi, surtout la loi de la rue. Sinon, tu vas te faire buter dans un trottoir sur ma rue. Ou dans une Subaru, à la Tupac Camaro. Car ma ligne de conduite, j'ai vite skyé, accident de la route. Claire pas d'écueil en boîte pour des salopes, ça c'est de la frime. Charbonner pour payer une ville à maman en Afrique. Faire des concerts aux Aïres, voir les jaloux nous haïr. Prier Dieu qui m'épargne des faux amis qui veulent me trahir. Je prends mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'année. J'ai dépassé tous mes ennemis, ils me reverront jamais. Jamais. Je prends mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'année. J'ai dépassé tous mes ennemis, ils me reverront jamais. J'bois la vie au goulot, continue mon boulot. J'arrêterai une fois que je serai joué par Pascal et Bouno. C'est pas le rap qui m'a fait manger, donc je suis allé taper. C'est pas les potes qui m'ont fait gonfler, c'est le pandou et le morphée. Un bleu rebelle comme Yann M. Villa demande même à baffer. Voir mon public qui fait en concert, ouais, mon ego ça le fait. Les voir chanter à chaque scène, pas trop me soucier de la sacelle. Et tous ces faux amis qui viennent remplis de leurs idées malsaines. Creve pop tout négro, sachez que le buzz est complet. Je me dis qu'il peut partir à tout moment comme l'a fait mon ex. Alors je m'efforce de taper comme un soldat à la caserne. Je veux pas que les flics me ramènent. Ni même qui me mal Jordi, Val de Reuil, si si. Par défaut à cause ma couleur est belle. Subir la discrimination en ce français. Notre fille, ouais, j't'avoue que ça me fait de la peine. Alors j'ai de me barrer. Adem, Rajvi. Je prends mes sous dans le rap et me reverrons jamais. Nassim, Selim, Bilal. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'année. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverrons jamais. Mais n'est qu'on t'en. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'année. Abdé 227, si si. Wizzy Richou. Marcus 237, la famille. Steven, léger. Dédicace Willow, Shadi, on est ensemble. Lardon, enfoiré. C'est Skyrock et c'est Planète Trap avec Gradure et ce morceau Jamais qui sera évidemment sur l'album L'Homme au Bob. Voilà. Sorti le 23 février. Depuis quelques minutes est dispo le clip. Priez pour moi, ça y est. Voilà. Tu veux dire un mot sur ce clip parce qu'il a été tourné en Afrique? Ouais, hein, il a été tourné en Afrique. À la base, je devais aller le tourner au Congo. Mais il y avait des petits faits qui ont fait que j'ai pas pu aller là-bas. Malheureusement d'ailleurs. Malheureusement. Je rappelle que le pays est toujours malheureusement divisé. Voilà. Et des manifestations, des morts. Donc j'étais au Mali pour finir. J'étais au Mali et ça s'est bien passé. Il y a Mokobé qui m'a accueilli. Oui, parce qu'il y a un petit clin d'œil de Mokobé aussi dans le clip. Mokobé, il est là et c'était très très lourd. Et de toute façon, il arrive là. Ah, il vient ce soir? Ouais. Ah, il est là. essaie peut-être de se frayer une place. Ah, il est dans le studio, j'ai pas vu encore. Momo, mets-nous des plans un peu larges, qu'on voit un peu ce qui se passe, qu'on voit une espèce de fumée, un brouillard du Nord qui est dans le studio. Qui fait, c'est le brouillard d'Hollande, qui, pas dire. Qui fait qu'on voit pas à 20 cm. Ah, non, je crois que c'était Mokobé, c'est pas lui. Ah, il arrive. On va le retrouver dans un instant. La connexion, pareil, avec Mokobé, donc coup de fil. Ça, tout, en fait, j'ai l'impression que tout se fait assez naturellement. Non, même Mokobé, toi. Je l'ai vu. Je l'ai vu plusieurs fois à Paris. C'est un grand frère et il donne la force au maximum et je le remercie pour tout ce qu'il fait même. Et quel souvenir, quelle image tu gardes de ce tournage justement au Mali? Tournage? Ah, il y avait un petit avec nous là. Omar. C'était un mec qui il déchire. Il nous a mis bien là-bas. Et on a beaucoup, il y a beaucoup de souvenirs. Hein. Hein? Ça, franchement, c'est bien passé, ça fait du bien d'aller en Afrique. Ça fait grave du bien, ça faisait longtemps que j'avais pas été. J'espère même pouvoir aller au Congo dès que je peux. Bon, si vous voulez vous dépayser un petit peu, avoir des bonnes images aussi, le clip est dispo, priez pour moi. Ouais. On va peut-être balancer le son maintenant aussi. Vas-y, parfait. Allez, le son sur Skyrock, c'est un extrait de l'album qui sort le 23 février. Voilà. Priez pour moi. Voilà, l'homme au Bob. Bientôt. Peupon, traction, abdo. La vigne tient qu'à une feuille, je la fume comme un pédo. Je veux les armes à Pablo. La villa, Sosa. Une bête de bombe comme Elvira dans le Gamos dernier Costa. Bientôt je vais crever, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Comme Jack Messine et Ghetto Val fait taille à clé. Si, GFG. On l'a dans le fut, tu l'as dans le sel comme Tony. Ils ont jamais dit grave tous ces domis, c'est des voyous de chrome. J'envoie la top, 4-7, Dago, 4 pas de danse, 8-7, machette, grosse gueule, achète, sur la vodka, dans ta putain, coche-neck. Y'a pas de bénévolat si tu cherches la monnaie chez Gay Travail. Y'a pas d'autre ici, si je te la sors, ma chérie, faut que t'avales. Faut que ça t'avale, ça sent le drive-by. Même le goal n'y peut rien quand je tire dans la tête, dis-moi à quoi c'est un pare-balle. À quoi c'est un pare-balle. Tu peux ramener même Oliver Kahn. 7-62 dans la jambe à Juninho Negro, je la mets direct Lucas. 5-9, si. Tu l'aimes, mi public numéro 1. En rodant sur tous les checkers, c'est un truc de vieux cœur. Priez pour moi, mes chéguets, priez pour moi. L'avenir est à nous, comme Tony Montana. Priez pour moi, priez pour moi. L'avenir est à nous, comme Tony Montana. Un truc de gueudin, un truc de gueudin. Un truc de gueudin, public numéro 1. J'ai que de la 8 dans la cervelle, comment veux-tu que je m'applique? Ils nous prennent nos flots, nos rimes, ils me sucent la bite, puis envoient des pistes. J'ai des épaules à Chicago, dans le hood avec les chèques et la speed. 2-0-17, j'arrête le rap, le bar avec ma mon Afrique. Je sais pas combien de CD je vais vendre, je sais combien de meugras j'ai vendu. Je trempe ma sub dans le cul du RAP, toutes les MC sont perdues. J'ai tout niqué dans le nord, je me pars en vacances dans le 13. Marre du froid, je serai de pas masse, je me réveille au plus du calage. Elle s'en fout de savoir mon nom, elle veut savoir combien je prends. Mes terres d'Afrique tatouées sur le bras gauche, donne de la force à chaque fois que je me prends. Et je crache ma peine, comme je crache mon sperme. Toujours une larme à l'œil, un peu comme Gucci Mane. Tu l'es mis public numéro 1. En rotation dans tous les checkers, c'est un truc de putain. Priez pour moi, mes chéguets, priez pour moi. L'avenir est à nous, comme Tony Montana. Priez pour moi, priez pour moi. L'avenir est à nous, comme Tony Montana. Un truc de gueudin, un truc de gueudin. Un truc de gueudin, public numéro 1. Grosse dédicace aux frères enfermés. Priez pour moi à l'instant. Ouais, bien bon. Encore éviter 2-3 balles. Hein. C'est tendu l'émission à Gradure. T'as vu ça? Ça sort le 23 février. C'est Priez pour moi. Un petit souvenir de l'enregistrement de ce morceau. Il est né comment le morceau celui-ci? Priez pour moi. Ça s'est passé quand? C'était pendant le mix. C'était l'un des derniers morceaux enregistrés. Ah ouais? Ouais. C'était pendant le mix et j'ai trouvé une petite vibe comme ça. Ça passait bien. Et on l'a mis dedans. On l'a mis dedans. C'est... Les berges, tu le sentais bien celui-là. Mm-hmm. Le morceau a été clippé dans la foulée. Voilà. Et on s'est concerté. On s'est dit, vas-y, il faut aller le clipper en Afrique. Ça correspondait bien. On a été. Je suis content du résultat. Il y a encore beaucoup d'images qui arrivent sur l'album Gradure. Ouais. Vous avez clippé d'autres choses aussi. Il y a un son qui s'appelle Stringer Bell. Mm-hmm. Il y a le son avec Migos aussi. Ouais. Il y aura sûrement aussi un clip avec Chief Keef. Ça, on peut dire un mot quand même, parce que c'est vrai que là, t'es parti à Atlanta. Mm-hmm. Donc, pas mal de voyages ces derniers mois pour toi. Ouais, c'est Atlanta, vrai que... c'était très très lourd. Même. Atlanta, c'est une ville que tu connaissais, non? Ou... Non, je connaissais, mais j'ai jamais été. Oui, juste au niveau des sonorités, voilà, des artistes. Au niveau artistes. Des sonorités, des artistes. Il y a beaucoup, beaucoup de rappeurs là-bas. C'est une ville qui émerge aussi au niveau du son. Donc, beaucoup, j'étais content. Beaucoup, bah, un petit peu comme Chicago aussi. C'est des villes ouais, voilà. Où il y a quand même aussi beaucoup de violence, beaucoup d'armes. D'ailleurs, ouais, je crois ouais. Que sur le tournage, c'était un truc assez ouais, incroyable. Ouais, les mecs, ils marchaient calibrés, normal. Non, mais c'est... M16, un joint dans la main. Ce qui est assez incroyable, c'est que même il y a des flics à un moment qui viennent sur le tournage et, ouais. Et les mecs, grosso modo, disent rien sur les armes parce que c'est. Ouais, ils leur disent juste mettez-les dans la voiture. C'est voilà, c'est-à-dire que bon, bah normal, mettez-les dans la voiture. Ouais. Mais et c'est vrai que Migos, bon, c'est aussi, voilà, ils font partie de cette jeune génération un peu turbulent. Ouais. T'as ressenti quoi? Tu ressens quoi avec eux quand t'es avec eux justement? Moi, je les ai déjà vus ici, hein, je les ai déjà vus plusieurs fois, je les ai vus à Paris. Après, j'étais avec eux à Bruxelles. Donc, je m'entends bien avec eux, ils reviennent bientôt là. Ils comprennent un peu le rap français, ils s'intéressent, ils écoutent un peu. Ouais, ça va, ils commencent à écouter. En fait, ils comprennent pas. Mmh. Ils comprennent pas, mais ils kiffent le flow, les instruits. Ils m'ont même demandé de leur donner des noms de beatmakers là. Ah ouais, carrément. Kiffé, ouais. Donc il y a vraiment voilà, une écoute aussi même sur ce qui se passe ici. Au ouais, ils ont kiffé aussi le son et l'instru de Macaque. C'est un son qui est dans l'album. Et aussi Stringer Bell aussi, ils l'ont bien kiffé. D'accord, donc peut-être de futures collaborations. En tout cas, c'est des mecs ouverts, quoi. Voilà, c'est des mecs ouverts. Et moi, je parle aussi plus avec le grand frère de Quavo, mmh. Avec qui je m'entends bien. Et quand j'étais là-bas, c'était son anniversaire. On a été dans une boîte, tout ça. Vous avez fait donc des scènes ensemble aussi? Voilà, des showcases. Ou des showcases. Toi ouais, ici, bah, quand ils vont revenir, c'est sûr. Mais vous n'avez pas fait en France, vous avez si, pas fait... C'était en Belgique. Et quand ils te voient arriver justement en Belgique, ils doivent halluciner aussi, se dire putain, ce petit français. Bah, ils étaient choqués de voir que les gens connaissaient les paroles. Bah, c'est ça. Et juste après, quand ils sont partis, en plus, il y avait mon son à la radio. Donc, ils se sont dit, c'est le mec du moment, quoi, Gradure. Ouais. C'est le mec qu'il faut avoir. Bah, ouais. D'ailleurs, ils sont présents sur l'album. De toute façon, ils reviennent bientôt là en France, donc. Je serai sûrement sur scène avec eux aussi. L'homme au Bob sur Skyrock à découvrir tous les soirs entre 20 et 21 dans Planète Rap. On va revenir, qu'est-ce qu'on balancera dans quelques minutes, Gradure? Là, on va balancer. Parce qu'il y a 3 lives. Ouais, bah là on met un morceau, il y a le freestyle, après on attaque les lives. Tu veux qu'on mette le morceau d'hier? Moi, je suis Bloody Murder. Ah bah ouais, très bien, bonne idée. Vas-y, c'est parti. Ça c'est un morceau exclu voilà, qu'on a passé hier. C'est un morceau exclu qu'on a passé à Skyrock. Et les gens, ça va, ils ont adhéré, donc ça fait plaisir. Ne bougez pas, on revient avec Gradure, le Chegué Squad aussi qui est présent, voilà. Du live aussi. Et vous en freestyle, c'est dans un instant. Ladies and gentlemen, Gradure validé par Skyrock. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Il y a du monde derrière ou pas? Avec Gradure sur Skyrock. Gradure avec nous toute la semaine entre 20 et 21 sur Skyrock. L'homme au Bob, ça arrive dans 5 jours, c'est lundi voilà. Dans les bacs. Dans 5 jours l'homme au Bob. Et il y a quelques minutes, nous étions en Thaïlande avec, voilà, avec la crime voilà, qui allait monter sur scène. Je fais une grosse dédicace. Et la haute surprise téléphonique, je crois qu'on va aller un petit peu moins loin. Ouais. Avec quelqu'un qui est présent sur ton album aussi. Ouais. Ah oui, tu as raison de prendre cette voix de lover puisque c'était. C'est une femme que nous accueillons. Yeah, c'est Kaina. Et c'est mademoiselle Kaina Samet. Comment va Kaina? Ça va bien et vous? En forme? Ouais, nickel. Hein. T'es moins loin, t'es pas en Thaïlande? Non, moi je suis à Nice. Il y a aussi le soleil et la mer, mais y a aussi c'est moins loin. Quoi. C'est un petit peu moins loin. Ouais, ça va ou quoi, Kaina? Ben ça va super et toi alors? Tu peux être en pleine forme là? Ouais, un peu fatigué, mais ça va, on est là. On est là. Ouais, non, là c'est le mental, là. Le ouais, mental du Chegué. Voilà. Dans 5 jours, l'album il sort. Je fais un c'est gros cool. Son avec toi en plus. Ouais, il y a un gros que son sur l'album. Que tout le monde a kiffé. C'est pour ça que je voulais le garder. Des bons retours. Ouais, j'ai que des bons retours. Bah, ça fait super plaisir en tout cas. Ouais, celui-là, je vais le garder. Vous, votre connexion à tous les deux, Kaina, tu veux nous raconter l'histoire avec Gradure ? Bah, écoute-moi, moi. Enfin, qui raconte les deux, comme ça on va voir si les versions sont les mêmes. Vas-y, on écoute Kaina alors. Non, mais j'allais dire, moi aussi je viens de province et ça fait un moment que j'essaie de me faire entendre aussi. J'ai commencé par rapper, je suis fan de rap français. J'ai rencontré beaucoup d'artistes et Gradure, c'est quelqu'un d'authentique, tu vois, il est proche des gens. Et si aujourd'hui il y a autant de monde derrière lui, c'est que voilà, il représente bien, tu vois. Et moi, le fait qu'il vienne de province, qu'il fasse son chemin de guerrier, tu vois. Et qu'il en soit là, je trouve que c'est mérité, ça fait super plaisir. Donc, toujours un honneur d'être invité sur des projets. Et le morceau, il est lourd. Et en plus, moi, je m'attendais à entendre du rap et je vois qu'en fait, il chante. Ouais, donc, avec un bon grain de voix et tout, non, franchement, le son, il glisse. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Moi, c'est. Oui, ta version alors à toi. Moi, ma version, je me rappelle, j'étais à Chicago et j'avais fait un petit son comme ça, en freestyle, tu vois, qui s'appelait Secteur. Et je l'avais fait. Et après, je parle à mon petit frère. Il me disait, ouais, t'en penses quoi et tout, si tu peux pas ramener Kaina Samet sur ce son. J'ai dit, ouais, j'avoue, ça serait pas mal. Après, je me suis débrouillé, j'ai demandé à Alex, le directeur artistique, de faire la connexion. Son numéro, voilà. Et je lui ai demandé, elle a accepté l'invitation. Et d'habitude, en plus, elle m'a dit que d'habitude, elle fait des refrains. Donc ça l'avait étonné un peu que je l'appelle sur un son pour faire un couplet. Elle m'a dit qu'elle m'a fait un bon couplet et franchement j'étais agréablement surpris même. Ah, donc, ça m'a grave fait plaisir. Ouais. Le son est très très bon. Et toi, Kaina, tout va bien? Tout se passe bien? Ouais, franchement ça va super. Hein. Je suis un artiste, je travaille pour son album là. Et puis voilà, il y a surtout l'album de Gradure dans 5 jours. Personnellement, je l'ai précommandé. Oui, j'ai vu que tu avais envoyé des photos. Elle donne beaucoup de force. Elle envoie beaucoup de force sur les réseaux sociaux. C'est cool. Ouais. Attends, tu sais, c'est ce que je kiffe aussi chez Gradure, c'est, tu vois, l'état d'esprit. Tu sais, voilà, quoi, il y a beaucoup d'individualisme, tu vois, d'une manière générale dans la société. Ça fait du bien de voir des gens, tu sais, qui partagent, qui sont là. Tu sais, humaniser un peu, tu vois, ce. T'as raison. Ouais, ça fait plaisir. Surtout de la part de la musique où ça doit être un partage en effet. C'est ça, ouais. Pareil, moi je suis présente pour les réseaux sociaux. Je vois qu'ils tweetent, qu'ils retweetent, qu'ils répondent aux gens, tu vois, ça fait plaisir. On est comme vous, tu vois, ce qu'on raconte, c'est nos problèmes à tous. Donc c'est cool, quoi. Ouais. Et bon, on te fait un gros bisou, Kaina, on t'attend. Grosse force à toi, ça m'a fait plaisir de t'avoir au téléphone. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir. Vous allez y passer alors? Le morceau, bah ça c'est Gradure. Hein. Non, je vais le garder encore. Il a un peu pris, si je te cache pas. Parce que celui-là c'est un des meilleurs. C'est un de mes préférés dans l'album. Sérieux? Ah, ça fait plaisir. Je te cache pas qu'il est un peu pince depuis le début de semaine. On essaye de soutirer des morceaux, mais qu'il est tiré. Non, mais déjà, c'était plus lourd ce qu'il a envoyé. Déjà, il y a de la matière déjà dans ce qu'il a envoyé. Mais faut aller chercher l'album en tout cas le 23 février. Et moi, je voulais faire un gros big up aussi à mon frère Kalou, Salim, Nadir et Walid. Et tous les frères qui sont enfermés, Alvin. Et ailleurs qui nous écoutent là, voilà, grosse force à vous, à toutes les mamans, soldats et voilà, on aura l'occasion de se recroiser. En tout cas, force à toi, Gradure. Ouais, ça fait plaisir. Chez Gay Squad qui est là derrière aussi. Chez Gay Squad, ils sont là. Dédicace à Shadi qui kiffe en plus Kaina Samet. Et bon, Shadi, gros pick up à tous. Et bon, fais un bisou, Kaina. Ouais, à bientôt, Fred. À bon très courage. Vite, ouais. Merci, Kaina. Force à vous. Allez, ciao. C'est un bon choix en tout cas d'avoir pris Kaina. Et puis c'est vrai que sur le côté humain, c'est quelqu'un. Ouais. Franchement, il n'y a rien à dire. Bah, de toute façon, tous les gens que j'ai invités sur tous les Français, il n'y a rien à dire. Lacrim, rien à dire. Niro, pareil. Alonso, pareil. Ouais. Osim Krem. Kaina Samet, c'est pareil. Ça fait plaisir. Bon, on avait promis un morceau, un extrait de l'album maintenant, celui qu'on a mis hier. Ouais, hier. Bloody Murder. Bloody Murder maintenant sur Skyrock, c'est parti. Ouais, 5-9. On n'oublie pas. Force à vous. Force à Mokobé aussi qui vient d'arriver. Un gros max de bruit. Ouais, Moko, centreuse. Kimbala. Je fais peur au game comme Bloody Murder. Comme Bloody Murder. Mon joint est chargé. Fuck mon chargeur. Ouais, fuck mon chargeur. 3-5-7, la boule dans le rover, dans les cités Carter. Porte-balle, gilet, grenade, mitrailleur. Ouais, fuck les donneurs. J'ai mis du temps, mais bon, j'suis revenu. Comme Jordan, j'suis revenu. Dédicace à tous mes détenus. La gauche dans le caleçon. Cargaison, pas de contrefaçon. Que des putains de tessons. Plus gros que ta pute, plus gros que ta maison. Leur pose pas trop de questions. La traite négrière. drogue dans la rue. Bah ouais, que ça défile que dès que je l'a. La chatte à Kesha, le minou rasé pire que Tyrese. Pas rien de faut que ça glisse. La loi de la street, j'apprends la leçon. L'argent comme raison. Parfumé par toutes les saisons. Confit shop dans le Jackson. Schweitzer, Yacine Elbat, Malik Latrèche, Mirou, Mousse, Zach, ça bouge pas. J'ai 23 piges, un jeune de cité. J'arrive de m'en sortir. J'ai le clock dans le fût, tu vas te la sentir. Donc tu ferais mieux de partir. Bah ouais, 5-9, ma street, c'est ghetto. Compare pas au rap game. NVR, chouette, c'est ou BM. Ligue Tourcoing au carrière. J'suis qu'au début de ma carrière. J'fais peur au game comme Bloody Murder. Comme Bloody Murder. Mon joint est chargé, pop en chargeur. Ouais, 5-9. 3-5-7, ta boule dans le rover. Nouveau Roubaix, Schweitzer, Barbal, gilet, grenade, mitraille. Alma, Villeneuve, Port d'Arras, Tourcoing. Comme Bloody Murder, comme Bloody Murder. Mon joint est chargé, pop en chargeur. Ouais, pop en chargeur. 3-5-7, ta boule dans le rover. Dans les cités Carter, Barbal, gilet, grenade, mitraille. Bendona, Bendo, 9-1, dédicace. Le rap game, c'est pire qu'un gros film de boule. Que les hypocrites qui s'embument. Programmos en location, que de la fuite qui véhicule. Je allez écouter, c'est tous des gangsters. Font la guerre dans la rue. Les bosquets. Pour un peu de spirit, 9-3. Des chats prennent tous pour Biggie and Pac. Plus mature que du haut de ma vingtaine. Ce que je dis est réel. Rappeur du peuple, écoutez dans tous les checks, toutes les ruelles. Les gros sur moi, t'aurais dû miser. Au lieu de métiser. 5-9. Aujourd'hui, t'as mal, tu regrettes. Comme ta première branlette. Guichard, ouais, Yannick, Bichou. En léger. De merde. Zakaïon, ouais. Pour les chiffres, on voit à leur concert. Des traces de fouet sur le corps, aucune larme sur le visage. Le regard revolver des games si tu dévisages. En léger, en léger. Je fais comme Bloody Murder, comme Bloody Murder. Force en marre, le Mali. J'ai pas ton chargeur, ouais, pas ton chargeur. 3, 5, 7, ta boule dans le rover. Dans les cités Carter, barbal, gilet, grenade, mitrailleur. Ouais, fuck les dollars. Je fais peur au game comme Bloody Murder. Comme Bloody Murder, mon joint est chargé, fuck ton chargeur, ouais fuck ton chargeur. 3, 5, 7, ta boule dans le rover, dans les cités Carter, par balle gilet, grenade, mitrailleur. On les joue avec les corner. Sofiane Boifio, Baltaz, Abdul Bey, Samba Bey, Sada Bey. Yo! Jordi, Val de Reuil, enfoiré. Zakaï! Gradure, à l'instant, c'est extrait de l'homme Bob. En léger, Fred, en léger. Et pendant ce morceau, il est arrivé. Monsieur Mokobé là. Faites un max de bruit pour Mokobé. Ouais. Centreuse. Est-ce que ça te rappelle quelques ambiances? Ouais, grave, grave, grave. Mais ça fait plaisir. Est-ce que ça te rappelle des petits moments d'anthologie avec la mafia qu'un fait? Je te jure. Ça fait plaisir. Il y a du monde, grave, grave, grave. Ah, grosse force à toi d'être passé. Voilà. Ça fait plaisir. Moi, je suis content. L'album, il arrive le 23 février. Mmh. Très, très lourd. J'ai eu la chance de l'écouter en exclusivité. Vraiment, c'est un album qui est très, très, très, très lourd, hyper bien travaillé. Les gens, ils vont vraiment, vraiment, vraiment être surpris. Et donc voilà. Donc, et puis, il y a des images aussi, parce qu'on expliquait la connexion avec le Mali. Le clip est arrivé, hein, le Priez pour moi, on peut aller le mater. Ouais. Donc, coup de fil, hop, ils ont débarqué au Mali. Ils ont débarqué au Mali, à Bamako. Ouais, on a passé, c'était lourd. On a passé un très bon moment, mortel. Je voulais même plus rentrer. Ah, mon coupé, il contrôle la zone là-bas. Il contrôle. Donc vraiment, ouais, c'était mortel, c'était une belle aventure et tout. Et tu faisais quoi, voilà. T'étais plutôt en repos ou tu... Moi, je suis resté là-bas un mois et demi. Je suis resté là-bas un mois et demi. Il fallait que je souffle un peu là, et fallait que je prenne des good vibes, de la bonne inspiration, un peu de force. Et donc voilà. Donc en plus, ils sont venus faire le clip. Le clip, il est en ligne, il est mortel, il est super beau. Ouais. Belles images, hein, pour le clip. Grosse force à Lyris qui a fait le clip. Vraiment. Donc voilà. Bon, le seul petit problème, c'est la canne. La canne, ouais, mais on a vécu la victoire de RDC à Bamako. On a vécu la victoire de RDC. Non, je peux expliquer, ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est qu'au Mali, c'était terrible à voir les images du Mali. Non, on a eu mal, on a eu très très mal. Parce qu'il y a un tirage au sort en fait. je te jure. Une espèce de règle. Non, mais encore ça va, parce que le tirage au sort, au moins on se dit on aurait pu gagner la CAN, mais à cause du tirage au sort, on n'a pas gagné, tu vois. Et on peut jouer sur ça. Mais c'est vrai que la CAN. C'est dur, c'est pas l'entraîneur ou le patron de la fédération là, qui est en pleurs, malien, qui est. Oui, tout le monde a pété un plomb. Après, notre capitaine, c'est Edu Keita, il a loupé le penalty. Malheureusement, c'était quelque chose qu'il fallait pas louper. Bon, voilà, on le pardonne, c'est notre capitaine. En tout cas, voilà, on a vécu la CAN à Bamako pendant le clip. C'était lourd. Il y avait la victoire d'RDC. Ouais. Gradure, il était en joie, il était en jaillé de ouf. Donc voilà. Les Maliens aussi étaient quand même assez contents, ou c'était plus. Ah, c'était dur. Hein. C'était dur. C'est dommage. C'est dommage. Mais donc voilà, comme je disais, l'album il est vraiment lourd. C'est vraiment un album de qualité. Comme on dit, quand tu veux du miel, il faut savoir affronter les abeilles. Ah, tu vois ce que je veux dire? Africain. Voilà. Et ça représente bien tout ce bordel dans le rap game. Tu vois ce que je veux dire? Gradure, il doit rien à personne. Il a une vraie histoire. Il a des principes, il a des valeurs. Je dis pas ça parce qu'il est là. C'est quelqu'un de très respectueux. C'est quelqu'un de correct et de sincère. Et c'est pour ça que ça prend, parce qu'il est sincère. Et regarde là, juste le single, il est numéro 1 top iTunes. Tous ceux qui m'écoutent, voilà, allez choper ça. L'album, il sort le 23 février. Vous allez pas être déçus. On a écouté ça au soleil à Bamako. C'était vraiment du très, très, très, très, très lourd. Mais même l'hiver en même temps. Hein, parce que si, malheureusement, c'est pas le climat de Bamako. C'est pas le climat de Bamako. Mais pour te dire, là-bas, on était là, on était au soleil. C'était un truc de dingue. Ouais, voilà. Donc c'est un album qui va marquer pour toi, ouais, ça va réchauffer les cœurs. C'est un album qui va marquer. Ça va réchauffer les cœurs, ça va réchauffer les corps. Et puis en plus, ça fait du bien au rap. C'est important. Ça apporte la dynamique à tout ça. Et ben, Moko, tu restes sympa avec nous? Ouais, je suis là. Il y a du live avec le Shege Squad. Avec les Shege Squad. Et en tout cas, grosse force à Moko B. C'est un grand frère, il donne beaucoup de conseils. Tu vois, parce qu'il y en a. C'est pas beaucoup, c'est rare de voir des gens qui sont sincères aussi dans. Oui, sans calcul, sans arrière-pensée. Voilà. Alors que lui, depuis le début, il a toujours essayé de me faire avancer comme il a pu. Je lui ai dit que j'allais au Mali, il est venu, il m'a mis bien. Donc franchement, c'est un grand frère dans la musique. Et même en dehors, donc grosse force à lui. Il a fait beaucoup de choses avec 113, la Mafia Quinfri. Mmh. Il est toujours là aujourd'hui, ça fait grave plaisir. Aujourd'hui, il s'est déplacé pour moi, je suis content. Donc faites un max de bruit pour Moko B. Ouais, avec qui je ferai un son aussi avec Moko B. On va faire un son. Il y a un son sur quoi? Sur ton projet qui est... Ouais, Inch'Allah, sur l'album, on va faire un gros son. Mmh. Et la semaine prochaine, là, je vais balancer I'm in love with Bamako. I'm in love with Bamako. Ok, on attend ça. Debza, de Nancy, par téléphone, ça va, Debza? Ça va et toi? Eh ben écoute, bienvenue dans le Planète Rap de Gradure avec Moko B qui nous a rejoint, le Shege Squad. Et toi un grand salam à tout le monde, à toute l'équipe. Salam. Et toi qui viens rapper, c'est lors du freestyle par téléphone, on y va, on attaque? Ça marche. Yeah, c'est déjà au mic. Nancy 54, son représentant. Parfait. Ok, check. J'ai même pas commencé, ils appellent du renfort. Tu me fais rare, mais je suis plus en forme. C'est brouillard dès la naissance, c'est malaisant. Faire tout à moi, pas besoin de réconfort. Braque ta caméra sur moi, mes collègues, ressens la colère. Équipe incontrôlable, prenez les potes, la rue du plus soleil. J'abats les faux merdes, répète incontrôlable. Pacifiste, trop de buts, j'arriverai pas si je dors. Je suis venu dans le game comme un pacifiste. Trop facile, je les bute tous, ils sont pas si forts. J'aurais pu choisir le chemin du haram pour faire mon pénètre. A tes doigts craquer, devant un plancher. Tu prêterais trop si tu écris des textes. Au final, ils aiment toute ta tête, proche, posé sèche, qui te représentait les miens. Tout ça qui me demande aussi qu'on consigne. Prends le mic comme un prolifo, les mains rafales, dans ta tonnerre, déjà impose mes consignes. Chaque jour, j'essaie d'être meilleur que la veille. Entre nous, je crois qu'on est dans un gros pétrin. Pour attarder le réveil, c'est le bonheur, nous attend à la gare, on a loupé le train. Au fils que je m'éloigne d'ici, je suis disciple. Je connais toujours pas mes limites, Chétan veut que je passe au meilleur disciple. Des erreurs, j'en ai trop, et en moi trop de rancune que j'ai coffré. Les vrais stars que j'ai jamais menti, je porte mon vécu comme un trophée. Résisterai dans ce que tu fais, pas n'importe qui, tu dévoiles ta hive. Dispersion dans la série, t'arrives, t'as joué, t'as perdu, tu connais le tarif. Et je crois plus en leurs promesses, personne peut nier que je me suis fait solo. J'ai confiance comme un daronne, t'as seul me comprendre quand j'ai la tête sous l'eau. Dès que t'as parlé monnaie, tout le monde se comprend. Dès que t'as parlé monnaie, tout le monde se comprend. Dès que t'as parlé monnaie, tout le monde se comprend. Comprendre ce qui va mes côtés si t'es pas content. Faire mon temps à compter les heures. La routine me fait faire le sommeil. Puis des idées sordides pour toucher le sommet. On m'a dit faut toujours assumer, porter mes couilles et m'en prendre à moi, mais pas pour me casser la tête. On sait jamais jusqu'où le César ou amène. J'ai pardonné ceux qui m'ont fait défaut. Vrai de vrai, je vous en veux même plus. Continuez, j'attends dans mon corps. Au moins ça fait monter le nombre de vues. Je continue de prendre sur moi parce que le poids que j'ai apporté. Le respect c'est plus important. Le rap, y'a que le hang, ça m'a apporté. Ok, Debza. Pas de marche arrière, sourire du dossier, je pense qu'on va voter. Ah, il a faim, il a faim. De Nancy à Il a faim. Là, il voulait grosse force au. Grosse force à toi, mon pote. C'était faim. Et eh ben merci à toi Debza sur Skyrock dans le Planète Rap entre 20 et 21 avec Gradurne. Je te une petite dédicace. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Alors, je dis tous mes sportifs, sport représentant Nancy 54. Un gros big up à Zino, un gros big up à Karim aussi. Pour ceux qui veulent me joindre, c'est sur Facebook, c'est Debza, D-U-B-Z-A. Sur Twitter, D-U-B-Z-A. Sur Nancy, c'est D-U-B-Z-A. Snapchat, D-U-B-Z-A. Vous me trouverez que sur ça. Voilà, puis un gros big up à Alonso aussi. Eh ben merci à toi, en tout cas Debza. Le 10 avril, première de Alonso à Colmar. Le 11 avril, de Alonso à Nancy. J'espère que ça va faire que ça sera lourd. Merci à toi Debza, à l'instant en freestyle. Je suis un peu pressé, je suis désolé, mais c'est vrai qu'il y a du live maintenant. Ouais. Est-ce que le Chege Squad est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt ou pas? Prêt. Ouais, on va laisser la place attaquer le live. À K-Ips. Allez, K-Ips en live dans Planète Rap. C'est parti? Live de K-Ips, c'est parti. Maintenant sur Skyrock, on y va, le Planète Rap, avec vos réactions aussi. Hashtag Gradure sur Skyrock. Clifford. Tout le monde, c'est que t'as dit, Biguet. C'est qui était Médère. Joué. Du genre. Couché. Douma. Galache. Galache. Tout est du gars. Et ouais, je suis là. Je sens que je vais tout niquer. Arrête le beurre à tété, tu t'es borné. Sale, je fais pas dans la peu près. Sors les calibres, pas trop en retrait. Appelle-moi, il dit que le game repose en paix. Trop de bouche à nourrir, j'ai pas assez de respect. Nini, on ne veut pas ton cœur. Ils veulent tout simplement de la mèche, les rafales, les enculés, les emmerdes. En ce qui me concerne, je compte les billets qui me restent. En fumant de l'herbe, petit ninga, tu veux gonfler le torse. Hier c'était encore plus père. Aux arrivants, ils te mettent à Wolf. Dur, dur d'être un gangster. Que les majors me signent, j'investisse dans la beurre. Dernières armes à feu. Dès qu'on voit rouge derrière, y'a les bleus. La pure pour les durs, dans le cul, on boit et fait ce que je peux, je finis. Riche et vieux. Trop de soucis dans le beau cerf. J'suis là pour le caca, des gros billets verts. Noir débarque, tout le monde à terre. Sortez les gamos, sortez les fers. J'ai tout à gagner, j'ai tout à perdre. J'débarque dans le game seulement pour foutre la merde. T'as des poteaux, personne le bouge. Dis-moi à quoi il sert. Dis-moi à quoi il sert. À part si qu'est tout au bénéf. J'connais pas du monde. Personne n'était là quand j'étais en reste. Le squad là, ils l'ont déparé. Hier, ces bâtards faisaient crari. Ils ont pour leur jus pour pleurer. La ramasse dans les nailles. Le squad va, ils l'ont déparé. Le squad va, ils l'ont déparé. Le squad va, ils l'ont déparé. Le squad va, ils l'ont déparé. Personne peut nous stop. Autant est un cerf. Tu peux compter sur nous. Squad sur la vie de ma mère. Le squad va inonder Paris. Le squad va inonder Paris. Le squad va inonder Paris. Le squad va inonder Paris. Sans critique, impossible d'être positif. Les potes vite, sortez les potes de huit. Brave les interdits, tu suis pas d'énergie. La hache, je suis allergique. Quand t'es plus d'un coup réagi. La drogue ou le vol, et faut gros, tu choisis. Dans la paix ou dans la violence, je ne connais que la loi de la voyoucratie. Fais les diètes discrets. N'oublie pas qu'on a la couleur du suspect. Soit t'es prêt, ou t'appelles le 17. Elle demande pourquoi je lui donne si fort. Garde le seul de mes ancêtres. Un sac de fort, je bouge dans le corps. Mes sentiments sont passés par la fenêtre. Un mode de vie, prends ton rallye, c'est easy. Sol de vis, pas d'acheter devant la police. Le plan de rêve termine devant la justice. Pourquoi te mentir sur ce vécu est fatigue. Dur de mettre la théorie en pratique. On n'est pas chez nous. Savez, un bail j'ai compris. Sors du mirage, pas de colle dans le sillage. Dans le sillage, une balle rétro, je les ai au dernier virage. Je connais mes objectifs, peu importe le prix. Chacun, j'ai la rage depuis longtemps. Rappelle-toi mon état d'esprit. Tout le monde, le squad va inonder Paris. mais ces bâtards veulent écrire. Ils ont couleur du pour pleurer. L'amour qui n'a mal dans les nailles. Le squad va inonder Paris. Le squad va inonder Paris. Le squad va inonder Paris. Paris. Le squad va inonder Paris. Personne peut nous stop. On en est à serre. Tu peux compter sur nous. Sur la vie de ma mère. Le squad va inonder Paris. Le squad va inonder Paris. Le squad va inonder Paris. Le squad va inonder Paris. Braque squad. Chez squad, très chaud. À l'instant, on continue. Ouais, ça continue, ça continue. Nida. Nida maintenant, après Capes. Dédicace de moi NVR. Ouais, ouais, ça commence à Roubaix. Chegué, squad. Biggiz, Hamid, l'autre fille. Ouais, ouais. Mathieu. Bilal. Sommier, Abédeur, ramène mon billet. Vite fille, harmonie. Cache pour mieux billet. Billet, billet. Harmonie. LYDA. Dealer. Je dois prendre pêche, je dois frapper, je craque pour mon billet. Mon billet, mon billet. Je dois cracher, engager mon cash pour mieux briller. Briller, briller. Ils me sentent arriver, ils ont commencé à se replier. Briller, briller. Mon temps est arrivé, fini de roupiller. Je dois prendre pêche, je dois frapper, je craque pour mon billet. Mon billet, mon billet, mon billet. Je dois cracher, engager mon cash pour mieux briller. Briller, briller. Ils me sentent arriver, ils ont commencé à se replier. Briller. Mon temps est arrivé, fini de roupiller. On voudrait cueillir un maximum de feuilles. Des billets, des billets, billets. De la haisse, quitter le seuil. Seuil, ouais. J'ai galéré, à présent je me suis fait seul. Seul, je me suis fait seul. Je finirai seul, dans un linceul. Écartez vos seuls, je vous la mets. Et pointez sur ceux qui me croyaient désarmés. J'ai la tâche, je suis affamé, mon poteau c'est mort. Je suis venu pour tout armer et péter le soir. Sans prêter ma foi. Au bitch et au flop qui m'ont fermé la porte. Mais dans le shit dans leur front. Je vais leur faire un shot, je vais les choquer les fois. Je suis venu prendre mon chèque de tâche et que je smoke. Je dois prendre pêche, je dois frapper, je craque pour mon billet. Mon billet, mon billet, mon billet, mon billet. Je dois cracher, engager mon cash pour mieux briller. Nida, Nida. Ils me sentent arriver, ils ont commencé à se replier. Squad, squad, squad, squad. Mon temps est arrivé, fini de roupiller. Chegué, chegué. Je dois prendre pêche, je dois frapper, je craque pour mon billet. Mon billet, mon billet, mon billet, mon billet. Je dois cracher, engager mon cash pour mieux briller. Briller, briller. Ils me sentent arriver, ils ont commencé à se replier. Brr. R, R. Mon temps est arrivé, fini de roupiller. Ça continue dans cette matrice de fils et de pute. Je vais mouiller bim, mais ce n'est jamais assez. Millions faut péter, fuck la crise, je me. Pour la thune, on prend tous des risques au péril de nos ifs. Quitte à périr sous le filon des riffs, c'est terrible. On est du ghetto et de série. Trop de bédos, tu dérives, peut-être que ce que tu mérites. Ouais, ouais. Tu dis que tu débites. Mon ego, j'en doute fortement. Arrête de sucer des bites. T'as ni la mentale ni le comportement. Mais chez Gay arrive c'est le débarquement. Pour faire du sale je sais toujours faire comment. Je vais tout niquer je pourrais pas faire autrement. Je vais piquer vos housses ça c'est trop entraînant gros. Trop entraînant gros, trop entraînant gros. J'en prends le pêche, je dois frapper je craque pour mon billet. Mon billet, mon billet, mon billet, mon billet. Je dois tracer, engager mon cash pour mieux briller. Briller, briller, briller. Ils me sentent arriver ils ont commencé à se replier. Mon temps est arrivé, fini de roupiller. Squat, squat, squat. Je dois frapper, je dois frapper, je craque pour mon billet. Mon billet, mon billet, mon billet, mon billet. Je dois cracher, engager mon cash pour mieux briller. Ils me sentent arriver, ils ont commencé à se replier. Mon billet, mon billet, mon billet. Mon temps est arrivé, fini de roupiller. Roubaix, roubaix. Je dois frapper, je dois frapper, je craque pour mon billet. Mon billet, mon billet, mon billet. Je dois cracher, engager mon cash pour mieux briller. Ils me sentent arriver, ils ont commencé à se replier. Mon temps est arrivé, fini de roupiller. Grosse dédicace à tous mes gars, Cliffa, Mene Compton, Mega, Enverzou, Biggies, l'autre fille, Hamid au placard, mon gars garde la pêche, on est ensemble. Hamid, en léger. Ouais, Enverzou, Roubaix, 5900, ça bouge pas, on est là. Très très lourd, Nida arrive lourd, Caïf, ça arrive lourd. Mon temps est arrivé, fini de roupiller. Ok, DJ, enchaîne. Nida. Négro, double bras, Djouf, Baldos, Tuki, Jani, Bondi, Rasta 270, double bit à la prod. Mon fermé, il est bosqué, FLR, kilo, bra bra. Tu forces qu'à va ta 30 balais, 30 balais. Tchep m'a fait ou pas doux pour me caler. Dégage ta mère, on te soulève, même si t'es galbé. On m'a dit travail petit, ça va payer. L'argent ça se travaille, soit peu bavard, ouais, pas sa monnaie. Mon en tout cas du pays, j'accélère sans freiner. Mettre la MIFA à l'abri, ray avant de pouvoir saigner. Ouais. Course à la monnaie, course à la monnaie, course au pif. Gaba, on te connaît, oui, on te connaît, on sait que tu kiffes. On sait que tu kiffes, on sait que tu sniffes. C'est que nous qui l'a en fourgon. Toujours à l'heure pour la monnaie. Les bolides, les fusils sont fun, j'accélère et guéla à feu. Que c'est sec de fruit, tu fais tout le bien-up. Grosse tête à gros jeune bœuf. Termine les slips. Je veux peser chiffré comme Dawala. Dans la merde, je me suis peigné depuis petit peu. Demande à Rasta ou Kalala. Je reste debout tant que la MIFA pas la ville au pays. Je viens d'entrer alors pour les pesos. Fuck you, pay me. Arrête de faire blerni. Tout le monde sait qu'on a. Le squad en première page, que tu veux ou non, le game est à nous. Posé dans un missile, sapé Versace. Hein? Tant que c'est pas ta mort, on pas signé, je continue à bibi des sachets. Sachets, sachets, sachets, sachets. Blunt, Jack, Hello, Bitch. Hello, Bitch. Skunk, j'rappe fou, génocide. Génocide. Tout pillé, tout pillé, tout pillé, tout nié. J'en ai marre du hall, faut raffoler les milliers, par millions, par milliers. Ils nous exploitent, j'vais pas finir humilié. Mon Antuka, double brava, braza est venu pour vous killer. On m'a dit travail petit, ça va payer. Ça va payer. Ça travaille, soit peu bavard, ouais, pas sa monnaie. Mon Antuka du pays, j'accélère sans freiner. Mettre la MIFA à l'abri, ray avant de pouvoir saigner. Course à la monnaie, course à la monnaie, course au bif. Gaba, on te connaît, oui, on te connaît, on sait que tu kiffes. On sait que tu kiffes, on sait que tu sniffes. C'est nous qui l'a en fourgon. Toujours à l'heure pour la monnaie, bam, bam, bagage de fourgon. Pépère au soleil, frais de la tête au basket, garci dans la chebou. J'ai perdu sommeil avant même d'être debout. Squad, le peur a les arômes du chelou, moins grande ablution dans la chedou. J'ai pas d'attaque le sommet, j'ai besoin de. Gros pec, grosse tête, trop fier, nos stress, je suis refait, gros fer. Les billets sont livrés par colis, la banque consommée par la police. Nos meurs, des livres, des sons solides, Versace, Versace, de oui dans le confiant d'aboli. Ah, mais sera la vengeance si tu nous loupes. Les larmes de la maman sont séchées depuis que le fiston n'est plus sous écrou. N'est plus sous écrou. Sous écrou. Il n'est pas un jeu. Reste à l'écoute. Par le ghetto, je te le promets, on tire sur le pédo sans viser les sommets. Les salopes de ton genre, on connaît, t'es comme une grosse chasse siliconée. Ils s'abonnent sur ma page comme ma SFR. Le game est comme une chat, je lui mets à l'aise et il va se laisser faire. Du travail petit, ça va payer. L'argent ça se travaille, soit peu bavard, soit paye à monnaie. On a tout cas du pays, j'accélère sans freiner. Mettre la MIFA à l'abri, ray avant de pouvoir saigner. Course à la monnaie, course à la monnaie, course au bif. Gaba, on te connaît, oui, on te connaît, on sait que tu kiffes. On sait que tu sniffes. C'est nous qui la refourgons. Toujours à l'heure pour la monnaie, comme un bagage de fourgon. Doumax, proto. Lourd, lourd, lourd, lourd, lourd. Chegues Squad. En live avec Brabra à l'instant. Il y avait Kaïbs, il y avait Nida qui était Kaïbs, là aussi. Kaïbs, Nida, Brabra, très très chaud. J'ai pas entendu de Rossan. Ah, oui, c'est demain, demain. On garde pour demain. J'ai vu les répètes, mais je sais pas où ça en est. Demain, entre 20 et 21. Merci pour cette soirée, en tout cas, merci à vous. C'était lourd, Fred. Avant de ceux qui t'ont fait tourner la roulette et avant de retrouver Diffoul aussi juste après. Skyrock t'offre le jeu The Order 1886, plus la PS4 qui va avec. Joseph de Tann dans le 6-8, ça va bien Joseph? Salut Fred, ça va? Eh ben écoute, en pleine forme, avec Gradure, avec le Chegues Squad, comme t'as pu l'entendre dans l'instant. Tu es prêt à faire tourner la roulette, on y va? Yes, ouais, je suis chaud là. Allez, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter sur... The Order 1886. The Order 1886, le jeu événement sur PS4, le jeu qui sort demain, tu l'as donc en exclu encore aujourd'hui. Excellent. Et peut-être la PS4 chez Diffoul demain matin, 6h-9h, à choper. tirage au sort, je prends ta petite fiche et je la mets dans le bob. Nickel. Tirage au sort avec Difool demain à pas louper entre 6h et 9h et l'équipe du morning. Merci Gradure. Okay. Je peux parler vas-y, t'as Gradure après. Vas-y, il veut te parler. Hop. Joseph Gradure, Gradure Joseph, je fais les présentations. Gradure. Ouais mon pote. On est en léger, continue comme ça, on attend l'album. Ça, Cimer, va être ça fait plaisir, le 23 février, ça va être lourd. T'inquiète même pas. On est déjà précommandé chez Gay Squad en fort. En léger, chez Gay Squad, mon pote, 5-9, en léger. Force à toi, mon pote. Chez Gay Squad. Merci à toi, Joseph. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Merci à Gradure, merci à l'équipe, merci à vous tous. On va retrouver Difool maintenant qui doit être là, connecté. Et ouais, déjà connecté à l'écoute. Voilà, à l'écoute. Il faut que je te file le bob. Fred, Gradure. Ah, le bob. Ah bah ouais. Pour le tirage de sort. Pour le tirage de sort demain matin pour la roulette. Vas-y, ouais. Parfait. Voilà, dans le bob Gradure demain matin. Le bob Gradure, voilà. Très bien. Tu vas porter chance à un auditeur ou une auditrice de Skyrock, Gradure. Voilà, voilà. Grosse force à vous. Et bah, grosse force à toi, Gradure. Avant minuit, oh bah, sans doute du Gradure. Maître Gim, c'est McTayer qu'on va écouter tout de suite. Et puis vous tous et vous tout en direct, on vous attend dès maintenant. Je vois que l'équipe est déjà au taquet avec vous. Exactement. Voilà, après avoir écouté la lettre. C'est Radio Libre et c'est parti. C'est ça. Merci Gradure, à demain. Ciao ciao. Et Fredo pareil. Bah ouais, à demain. Ciao. 20h-21h, Planète Rap et Radio Libre, c'est parti. Coup d'envoi. Oui, avec Laisse-moi te dire. Vous avez vu, t'as vu le clip Fred? De Laisse-moi te dire? Oui. Non, j'ai pas vu le clip. À Cuba. À Cuba. Bah alors. Cuba Libre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, si, pardon, pardon. Si, si, non, mais. Non, mais t'as eu une absence. Non, mais parce que j'ai vu pas mal de clips aujourd'hui, tu en fait. Fais j'ai peur. Vu... Non, mais j'ai vu le. Je crois que Fred se drogue. Ah, le mec, ouais, bah, il me pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Il me semble. Si, si, je l'ai vu, pardon. Si, si, excuse-moi, mais. Non, mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de clips, beaucoup d'images. Tiens, allez voir aussi celui de Gradure qui s'appelle Prier pour moi. Donc, c'est vrai que j'ai confondu entre d'un seul coup l'Afrique, Cuba. Essayer de resituer entre les deux. Si, si, je l'ai vu, bien sûr, je l'ai vu le morceau avec Gims et Mac Taylor. C'est la drogue, c'est la drogue. Oui. Calme-toi, Fredo, calme-toi. Pas bien. Bon, bah, c'est parti. On a un bon vin. Ouais, bah, vas-y, et puis un bon vin aussi. Ah bah, oh bah évidemment. Allez. Ça va ensemble. Maître Gims et Mac Taylor, c'est parti. Laisse-moi te dire et à demain, Fredo. Ciao. Salut, Fredo. Ciao, Fredo. Ciao.